Les directions Nord, Sud et de la diaspora de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie ont publié le 20 courant une déclaration commune. En voici le résumé. On salue le 26e anniversaire de la constitution de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie, Pomignon, à l'époque frappante où toute la nation coréenne de l'intérieur et de l'extérieur du pays accélère vigoureusement une grande marche pour ouvrir une nouvelle époque de la réunification indépendante et de la prospérité nationale. Grâce à la constitution de Pomignon, est assuré un modèle de la grande union nationale qui permet d'unir toutes les forces patriotiques de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Ainsi, on peut développer et renforcer le mouvement de réunification de la patrie en mouvement plus organisationnel et pan-national. À présent, brûlent comme un volcan les aspirations et ardeurs patriotiques de toute la nation pour défendre la dignité souveraine de la nation et ouvrir une nouvelle époque de la réconciliation et de l'union, de la paix et de la réunification. Pomignon maintiendra plus fermement les trois principes pour la réunification du pays et les déclarations communes Nord-Sud comme ligne vitale de son mouvement pour la réunification et rejettera catégoriquement les menées de guerre et de confrontation insensées des forces hostiles sécessionnistes de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Ensuite, il réalisera à coup sûr un grand rendez-vous pan-national pour la réunification et s'efforcera à la tête pour ouvrir une nouvelle période décisive favorable à l'amélioration des rapports Nord-Sud, à la paix et à la réunification indépendante du pays. Pour l'immédiat, la direction sud de Pomignon livrera dynamiquement ses activités pour organiser le plus tôt possible le comité préparatoire constitué de larges couches et milieux sud-coréens conformément à la mise sur pied au nord et à l'étranger des comités préparatoires pour le grand rendez-vous pan-national pour la réunification. Finalement, Pomignon a appelé tous les partis politiques, formations et personnalités de l'intérieur, de l'extérieur et d'outre-mer qui aspirent à l'amélioration des rapports nord-sud et la réunification de la patrie à s'engager comme un seul pour la réalisation fructueuse du grand rendez-vous pan-national pour la réunification qui permettra d'ouvrir une nouvelle époque de l'histoire nationale.